Donc, bien-aimés frères et sœurs dans le monde entier, merci de nous retrouver encore pour la suite de notre quête de révélation, l'éclaircissement de cette révélation sur la semence du serpent. Souvenez-vous, dans la précédente vidéo, nous sommes arrêtés sur Genèse chapitre 3, verset 21. On a identifié qui était l'arbre de vie, on a identifié que cet arbre de vie était la personne du Seigneur Jésus-Christ, c'est clair dans la Bible, 1 Jean chapitre 5, verset 11 à 12, et puis Jean chapitre 5, verset 40 aussi. Maintenant, nous sommes arrêtés à Genèse chapitre 3, chaque fois, je vais toujours appeler Frère Patrick, sauf que Alain Patrick, vous me manquez, s'il vous plaît, revenez-nous. Dans Genèse chapitre 3, le verset 20 et 21, frère, souviens-toi, j'étais en train de dire dans ce verset-là, que l'éternel Dieu, lorsque l'homme a péché, l'éternel Dieu dit que voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. Quand Dieu utilise le nous, ça ne veut pas dire que c'est le Père, Fils, Saint-Esprit qui en a parlé à ces deux-là. Dans ce cas, on incriminerait à l'un des trois-là le péché. Quand Dieu donc dit, il faut donc comprendre à la manière de Dieu, quand Dieu dit l'un de nous, il s'agit qu'il y ait un intrus au milieu de Dieu. Donc Dieu en train de parler au cortège d'anges, à la cohorte des anges, que parmi nous ici, quelqu'un s'est rendu coupable en faisant quelque chose qui n'allait pas. Et l'homme s'est identifié à cette personne-là. L'homme a pris son côté. L'homme a pris le parti et est devenu comme l'un de nous. Regardez bien. Dieu dit, l'homme est devenu. Donc, ça veut dire qu'il n'était pas d'abord. Puisque dans Genèse chapitre 2 et chapitre 1, Dieu a créé l'homme à son image. Donc, l'homme avait les attributs de Dieu. Il était en parfaite communion avec Dieu. Et ici, dans le chapitre 3, quand le péché entre, ça crée la séparation. Donc, l'homme a pris la partie d'une personne qui se trouvait là-bas au milieu. C'est ça le problème. L'un des deux. Au milieu du jardin. Oui. Et Dieu dit dans ce verset 21 là que quand tu es pour ce qui est la connaissance du bien et du mauvais, il identifie la personne dont l'homme s'est identifié. Donc l'homme est devenu semblable à cette personne-là en connaissant le bien et le mauvais. Or, cette personne qui était là au milieu du jardin, c'était la personne qui était la connaissance du bien et du mauvais. Et frère Marcel, tu m'as dit que cet arbre-là était Satan. Et nous voyons très bien que si c'est Satan, si c'est Lucifer, parce que le Satan, c'est la veut dire accusateur, disons son nom, parce qu'on a choisi le nom du Seigneur Jésus-Christ ou l'arbre de vie, disons le nom. Si c'est Lucifer, et Lucifer, ça veut dire qu'ange de lumière ou bien porteur de lumière. Et la lumière, c'est celui qui éclaire, donc c'est celui qui est censé donner la connaissance. Son nom même identifie qui il est. C'est terrible. Donc vous voyez très bien que le nom Lucifer l'identifie, le colle directement à l'arbre de la connaissance du bien et du mauvais. Donc, l'homme s'est identifié à Lucifer. L'homme a pris quelque chose qui appartenait à Lucifer. Amen. Amen. Donc, alors maintenant, si donc l'arbre, écoutons bien maintenant, bien aimé, parce qu'il y a quelques points que certaines personnes disent dans le monde entier, donc il faut rectifier maintenant. Si l'arbre de vie c'est Jésus, on va voir son cas, parce que c'est pas lui qui nous crée le problème, parce qu'il nous a accordé la vie éternelle. J'ai la vie éternelle, tu as la vie éternelle, et tous les chrétiens ont la vie éternelle. Amen. Maintenant, regardons l'arbre de la connaissance. Si l'arbre de la connaissance du bien et du mauvais, c'est Lucifer, définitivement, il n'y a pas une pomme qui a été mangée. Alors, quelque chose s'est passé. Alors maintenant, d'autres personnes savent bien si c'est que l'arbre de connaissance du bien et du mauvais, c'est Lucifer. Et l'arbre de vie, c'est Jésus. Mais le problème, là, c'est surtout au niveau de l'acte. Ils ne peuvent même pas comprendre l'acte, où l'acte est arrivé. Alors maintenant, si l'acte de... On va lire dans Genèse chapitre 3 maintenant. Si l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais, c'est Lucifer. Alors, dans ce cas, quel est le fruit donc? Quel est le fruit que porte cet arbre alors? Quel est le fruit qui porte cet arbre? C'est vrai que c'est la corruption, le mensonge, la haine, tout vient de lui. Tout vient là, c'est la source là-bas. Mais alors, maintenant, parce que la Bible déclare que le fruit qui vient de Jésus, c'est l'amour, la joie, la paix dans le Saint-Esprit. C'est Jésus, voyez le fruit que ça porte. Vous voyez que ce n'est pas un fruit au sens physique. Maintenant, si la femme a mangé, maintenant, frère, ça devient intéressant là maintenant, vraiment doucement. Allons dans Genèse 3 maintenant. Bien aimé, prêtez attention maintenant parce qu'on va toucher la sexualité là-dedans. Ok. Genèse chapitre 3. Je fais la même chose. Genèse chapitre 3. À partir du premier verset. Prenons maintenant, on va lire du verset 1 jusqu'au verset 20. Et puis on va s'arrêter là-bas et puis on va en parler. Genèse chapitre 3, verset 1 à 20. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons tout. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a dit que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Adam donna à sa femme le nom de Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Amen, amen. Amen. Voilà, le décor est planté. Je crois que durant tout ce moment-ci, où nous avons donné les premières parties, vous avez eu le temps de lire Genèse, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 5, en allant, parce qu'on va y arriver. Bien aimé, la Bible déclare au premier verset que le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux que l'Éternel avait fait dans les champs. Première chose, et le serpent lui dit à la femme. Là, j'aimerais bien que quelqu'un puisse saisir ceci, s'il vous plaît. J'aimerais bien, c'est pas de façon scientifique, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est pas de façon scientifique qu'on y entre. C'est avec le cœur disposé à comprendre. Dieu veut nous montrer que l'intermédiaire entre le monde animal et les hommes ici, l'animal qui se tenait entre les deux, c'est le serpent. Mais voici le problème. Dans les manières qu'on a aujourd'hui, l'idée qu'on a déjà répandue, que je vous expliquais que dans Genèse chapitre 4, même Satan a commencé ce mensonge là-bas. L'idée là, c'est que, on remarquez bien, pour ceux qui ont les livres de la Bible, on peut remarquer qu'il y a des images là-bas, un arbre avec un serpent enroulé, un pomme rouge, et Adam là et Ève là-bas, nu. Et vous voyez avec une image de mensonge. Parce que le verset 14, où l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait ça, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Il dit, tu marcheras sur ton ventre. Quand Dieu donne la punition à Satan, au serpent, en disant tu marcheras sur ton ventre, ça veut dire ça implique automatiquement du fait que le serpent ne marchait pas sur son ventre. Donc c'est aussi simple que possible. Je me souviens bien, une personne m'a posé une question, c'est pour ça que c'est vraiment dommage qu'on ne soit pas en direct, parce que je crois que les questions des uns et des autres auraient posé, auraient aidé encore à développer cela davantage, parce que vous pouvez avoir quelque chose sur le cœur, mais vous ne pouvez pas exprimer parce que vous ne savez pas les penser les uns et les autres. Je veux souhaiter, j'ai pris donc bien aimé, si vous avez des questions à poser, poser et réaliser, pour que la prochaine fois on réexplique encore bien si vous manquez quelque chose, bien vous ne comprenez pas quelque chose. Donc je disais donc ceci. Une personne m'a posé la question un jour pendant qu'il expliquait ceci, il a dit le serpent n'a pas parlé. On peut dire que c'est le Satan qui est entré dans le serpent pour parler. Non. La Bible n'a pas dit que Satan est entré dans le serpent, on a dit que le serpent parlait. Et il m'a dit, le frère, pour me contredire, essaie de me montrer que l'âne a parlé. Mais je lui ai fait remarquer que c'est Dieu qui a ouvert. La Bible dit clairement que Dieu a ouvert la bouche de l'âne. L'âne n'a pas la capacité, la langue n'est pas articulée, le serpent n'est pas rêvé pour qu'il puisse parler. Les seules personnes dans la création qui parlent en articulant les mots compréhensibles sont les hommes. Donc si cette créature qu'on appelle le serpent parlait distinctement, et on dit qu'il était plus rusé, plus que tous les autres animaux, alors les constitutions étaient faites exactement comme pour les hommes pour pouvoir parler. Donc, et là-bas, si admettre que Satan est entré dans un homme pour parler, veut dire que Satan est un créateur. Satan ne peut pas créer. Satan ne peut pas ouvrir la bouche à un animal de parler. Il ne peut pas le faire. C'est le Dieu des armées qui peut le faire. Il peut ouvrir la bouche à l'âne et parler, et plus l'âne revient à son état. Mais ici, Dieu avait créé le serpent et le serpent parlait. Dieu aimé, c'est ce qui est écrit. Donc, l'animal le plus évolué, l'animal le plus évolué entre les hommes et l'oiseau et les animaux, ce n'est pas le chimpanzé, ami scientifique. C'est le serpent, dit la Bible. Vous pouvez me revenir au Dieu créateur, qui vous dit ce qu'il a fait, parce que c'est lui qui les a fait. Donc, ce serpent-là, alors s'il est proche de l'homme, alors voici donc la chose. On va venir sur le cas des jumeaux, là, pour toucher le rapport sexuel. S'il est proche de l'homme, alors forcément, la fécondation est possible. S'il est proche de l'homme, la fécondation est possible. Parce que ceux qui voient les chromosomiques, vous allez remarquer que les chimpanzés, c'est aussi proche aussi des hommes. Je ne veux pas entrer dans le domaine scientifique, mais je veux entrer dans la révélation de la parole. Parce que dans le domaine scientifique, vous pouvez me malaxer là-bas. Mais dans la parole, si, c'est la parole de mon Dieu. Donc ici, la Bible déclare donc que la femme a répondu au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Remarquez très bien. Il dit, mettant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, au fruit de l'arbre qui est... Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point de peu que vous ne mourrez pas. C'est vrai qu'elle a ajouté, vous n'y toucherez point. C'est ce qui est là quelque chose. Une autre objection que les gens professent souvent ici dans cet enseignement, c'est que les gens posent la question sur cette question. Mais quand Dieu a dit à l'homme que tu ne mangerais pas de cette arbre, elle n'était pas là. Remarquons très bien une fois de plus. Frère, je sais que c'est difficile franchement de saisir. Dans la Bible, particulièrement dans la Genèse, il y a des choses, se passent sur plusieurs années. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si vous ne comprenez pas la façon de Dieu de faire, vous allez remarquer que c'est comme si vous allez tirer la conclusion qu'il y a eu deux ans, parce que Dieu a créé l'homme, après il a formé l'homme. Pourtant, c'est deux chapitres différents. Chapitre 1, il crée l'homme, chapitre 2, il forme l'homme. Donc, à moins que vous admettez, vous savez que c'est un seul homme que Dieu a fait dès le départ. Et on voit ici création et en tout, pour que vous compreniez le langage biblique. Donc, quand Dieu a dit à l'homme, tu ne mangeras pas le fruit de cet arbre-là, les gens disent que non, ok. Qu'est-ce qu'on veut dire que Satan a fait le rapport sexuel, que l'ange a fait le serpent a fait le rapport sexuel avec Ève? Donc on veut dire que si Dieu a dit à Adam que ne mange pas de cet arbre, on veut dire que Satan pouvait pervertir en faisant le mot sexualité. Bref, même si c'était comme ça, on voit très bien qu'aujourd'hui, les animaux couchent avec les femmes. Chez vous, en Europe, là-bas, et partout dans le monde, vous avez entendu des choses où les chiens ont couché avec des gens, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se cache derrière? Vous avez entendu clairement que les hommes couchent avec des hommes, que Satan couche avec, que des hommes ont couché. Mais c'est quand même curieux. Ça veut dire que même cela, ça veut dire que Satan, peut-être que Satan peut passer par Adam pour faire le mot sexualité. Donc, c'est aussi possible. Mais, ce que je veux dire, c'est que la femme, je vais entrer dans le cadre de la femme et des seuls, je ne vais pas parler de ces enseignements. La femme était en l'homme. Écoutez bien aimé. La femme était en l'homme alors que Dieu les a créés. Parce que la Bible déclare, si vous lisez le Genèse chapitre 1, la Bible déclare qu'il les créa homme et femme. Donc, ça suppose que, allons-y d'abord prêt avant de revenir. Chapitre 1. Chapitre 1 de Genèse. Maintenant, moi-même, je vais lire les versets 26 et 28. Juste avec les versets 26 à 27, chapitre 1 de Genèse. Regardons bien. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu, écoutez bien maintenant, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, vous voyez très bien que, vous voyez ici directement à la création, puisque l'homme qui a été créé est l'image de Dieu, c'est l'homme-esprit. Donc, Dieu a créé l'homme et la femme ici, ils sont esprits. Donc, l'esprit de l'homme, écoutez bien, l'esprit de l'homme et la femme étaient liés. Au chapitre 2, Dieu donc fait donc la forme humaine, cette forme-là, cette carcasse qu'on appelle la terre, cette carcasse dont vous voyez là maintenant. pour mettre ce corps-là à l'intérieur, le corps spirituel à l'intérieur. Et maintenant, Dieu va entrer dans le développement pour dire, après que l'homme ait donné le nom aux animaux, il a vu qu'il n'y a pas d'être semblable. Alors Dieu l'a fait tomber dans le sommeil. Écoutez, mes bien-aimés, vous ne me comprenez pas. Dieu a fait la chirurgie donc sur les côtes pour enlever, pour extraire cette partie de l'homme qui était la femme qui se trouve à l'intérieur. Peut-être si spécifique, c'est pour ça que je dis que si la révélation vous semble compliquée, je vais vous expliquer simplement avec Christ pour que vous saisissez. Bien-aimés, avez-vous déjà posé la question où se trouvait l'Église quand Christ était ici sur la terre? Frère Marcel, avez-vous déjà, est-ce que toi-même tu as posé la question là-dessus où se trouvait l'Église? Elle n'existait pas encore. En fait, l'existence physique, ce n'était pas possible. Mais quand Jésus de Nazareth marchait sur les bords de la Galilée, les rives de la Tibériade, en prêchant la bonne nouvelle, l'Église se trouvait à l'intérieur de lui. Amen, amen, amen. Nous y voilà. En fait, ce qui s'est passé dans la Genèse, je vous ai dit que l'Évangile se trouve à l'intérieur. Écoutez bien, aimé. La Bible déclare que Jésus est le second Adam. Amen. Alors les types doivent se connaître. Si le second Adam, tout doit se passer de façon parfaite. Si Jésus donc l'a marché sur cette terre-ci, souvenez-vous de ceci, l'Église est appelée son épouse. Son épouse se trouvait à l'intérieur de lui alors qu'il marchait sur la terre. Oh mon Dieu, c'est merveilleux. Maintenant, pour que son épouse puisse sortir à l'intérieur de lui, il fallait qu'il passe par ce sommeil-là. Et la Bible déclare que Adam lui-même est passé par un sommeil. Et Dieu a fait la chirurgie pour retirer Adam de cette côte-là, pour retirer Ève à l'intérieur de lui, sa femme, son épouse. Dieu a fait que Christ se couche à la croix. Remarquez, tout à la croix, on a piqué ses côtes encore. Oh là là, on a piqué sa côte pour que l'Église puisse sortir. Alléluia. Amen. Afin de la sanctifier, pour présenter cette Église sans tache ni rien de semblable. Donc, les types doivent se coller. Si Christ avait son Église à l'intérieur avant d'aller à la croix pour qu'il puisse sortir, pour qu'elle puisse son épouse puisse sortir à l'intérieur de lui, il faut qu'il passe par le sommeil. Ainsi, en être du premier Adam qui a dû passer par le premier sommeil, par un sommeil, pour que l'épouse sorte. Remarquons-tu même que quand Adam s'est réveillé, l'épouse était à côté d'elle. À l'instant où Christ est sorti de la croix, lorsqu'il est sorti de la résurrection, l'Église est née. Maintenant, on ne peut pas faire autrement. Les types doivent coller. Donc, frère, si c'est difficile, pour que vous, quand j'explique, quand je dis que Adam, l'esprit de Adam et de Ève était dans Adam, Dieu a dû faire exprès cet esprit. Mais ne criez pas au scandale. C'est dans la Bible, c'est déroulé dans la Bible. Alléluia. Ainsi, chaque homme qui se marie, ta femme se trouve à l'intérieur de toi. Dieu la manifeste tout simplement. Donc, c'est ça. Donc, mon frère bien-aimé, vous qui posez la question en disant que Dieu a donné l'interdiction à l'homme alors que la femme n'était pas encore là, je vous invite de lire encore Genèse chapitre 1. Il avait déjà créé l'homme et la femme. Je m'accorde bien, frère. Regardons encore bien cela. Verset 27 encore. Regardons bien. Dieu créa l'homme à son image. Verset 27 du chapitre 1. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujétissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Alléluia. Amen. Maintenant, remarquons très bien que l'une des choses qu'il ne faut pas comprendre, c'est qu'on ne dit pas que la relation sexuelle c'est un péché. J'aimerais bien que ça soit clair. Ce n'est pas le fait que les rapports sexuels soient un péché. C'est le fait que un intrus est venu entrer faire ce rapport alors qu'il n'avait pas le droit. L'homme et la femme étaient légalement mariés devant Dieu. Donc, si Adam et Ève faisaient le rapport sexuel, ils n'étaient pas coupables devant le Seigneur. Mais le problème, c'est que le but, c'est que la Bible montre que l'intrus, Satan, ou bien le serpent, est entré avant que Adam le fasse. Je vais vous montrer cela. Donc, pour ceux qui disent que non, au chapitre 2, Dieu a donné l'interdiction à l'homme alors que la femme n'était pas là-bas, je vous invite donc à rentrer dans le chapitre 1 et nous montrer où se trouve la femme. La femme était là, donc quand Dieu donnait cette interdiction, il disait à l'homme et à la femme. Dieu parlait à l'homme parce que c'est l'homme qui est le chef de la famille. Alléluia. Voilà pourquoi il s'est adressé à l'homme. Alléluia. Amen. Donc, maintenant, écoutez bien, pour que vous saisissiez encore ça bien-aimé, je vais vous expliquer encore. Permettez-moi de l'expliquer ici. Ce qui s'est passé entre Adam, Ève, le serpent, c'est la même chose qui s'est passé entre Joseph, Marie et Jésus. Je vais vous expliquer. Nous commençons à entrer dans les détails de la chose là maintenant. Remarquez que lorsque Marie était fiancée à Joseph, avant qu'ils n'aient habité ensemble, ils n'étaient pas encore connus. C'est le temps où la Bible utilise connu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu de rapport sexuel ensemble. La Bible déclare que Marie se trouvait enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient habité ensemble. Pourquoi Dieu a choisi une vierge comme ça? Remarquez, je vous ai dit que Dieu est humain. Quand il promet quelque chose, il le fait. Il a dit dans Ésaïe 7:14 que la vierge enfantera. Comment la vierge va enfanter? Et pourquoi il n'a pas choisi une vierge qui n'était pas mariée? Pourquoi il fallait qu'un homme soit à côté de cette vierge? Parce que dès le départ, mon cher ami, la femme Ève était vierge. Il fallait que ça soit corrigé de la même façon. La femme Ève était liée à un homme qui était son époux. Regardez bien quand l'ange va venir dans le songe, malgré qu'on utilise le mot fiancé, l'ange lui dit que ne crains pas de prendre Marie, ta femme, parce qu'ils ont, ils sont liés déjà. Bien qu'ils ne se soient pas encore connus, ils sont liés. Alors, regardez bien, Adam et Ève étaient liés, ils étaient nus. Le verset de 25 du chapitre 2 finit en disant que l'homme était tous nus. Regardez, mais c'est une indication encore. Ils étaient nus, ils n'en avaient pas honte. Avant qu'on tombe au verset du chapitre 3 maintenant, verset 1. Ils étaient nus, ils n'avaient pas honte. Donc leur nudité ne leur causait pas de problème. Leur nudité ne leur causait pas de problème. Pourtant, c'était la perfection, frère. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les deux sont mariés. Un intrus vient s'infiltrer. Je vais démontrer cet intrus-là. Un intrus vient s'infiltrer avant que Adam va en, avec cette femme-là, avec la femme qui lui est propre. C'est là le problème. De la même façon, Joseph et Marie étaient liés. Le Seigneur, parce que je vais vous montrer, il y a la différence de mon Seigneur, notre Seigneur, Dieu des armées, et Satan, parce que Satan n'est pas une créature, c'est une créature, alors que Dieu peut parler et ça accomplit. Alors, Dieu est passé à l'intérêt de la femme sans violer le territoire qui est destiné à Joseph. C'est-à-dire quoi? Oh mon Dieu, c'est merveilleux, vous le dites, c'est merveilleux. Alléluia. Dieu est entré dans Marie pour faire sortir la semence qui devait briser la tête de ce serpent-là, sans violer le territoire. Dieu voulait montrer à Satan que je peux faire la même chose que tu as fait sans violer le territoire, sans être coupable. Alléluia. Dieu n'a pas violé la loi du mariage. Satan, lui, il l'a violé. Il est entré dans un territoire qui n'était pas sien. Mes frères, voilà donc votre péché, c'est l'adultère. C'est l'adultère. Voilà pourquoi c'est le péché qui gouverne le monde. C'est l'adultère. Tous les autres péchés tirent leurs ramifications de là. C'est l'adultère. C'est l'adultère. C'est l'adultère. Le péché originel, c'est l'adultère. Le péché originel, c'est que quelqu'un est venu connaître la femme. Regardez très bien. On va voir dans les détails pendant que lors des sanctions, on va étudier doucement. Donc, Dieu est entré dans Marie. Le Saint-Esprit est venu sur Marie. Parce que voilà pourquoi cela a étonné. Le Saint-Esprit, le Dieu au couvert de ton ombre. Le Saint-Esprit viendra faire soi demeure. Voilà pourquoi l'enfant qui le Saint-Enfant qui naîtra de soi sera appelé le Fils de Dieu. Alléluia, le Fils de Dieu très haut. Maintenant, le verset 25 du chapitre 1 de Matthieu conclut en disant ceci. Marie demeurait enceinte. Regardez bien, frère. Est-ce que tu peux nous dire ça? Matthieu chapitre 1, le verset 25. Le verset chapitre 1 finit là-bas, verset 25. Verset 25. Dieu fit des animaux de la terre sur... Non, Matthieu, frère, Matthieu chapitre Matthieu. 1, le verset 25. Oui. Matthieu chapitre 1, verset 25. Oui. Matthieu chapitre 1, verset 25 dit ceci. Matthieu chapitre 1, verset 25. Jésus étant né à Bethléem. Chapitre 1, verset 25. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Voilà, nous y voilà. Donc ça veut dire que Joseph et Marie n'ont pas eu de rapport sexuel sans que Jésus soit sorti de ses ventes. Là, pour ne pas suivre cet enfant-là. Or, maintenant, ce verset implique automatiquement qu'après que Marie ait enfanté Jésus, Joseph a connu sa femme. La première année qu'on voit ses enfants, c'est ce que bien que l'Église catholique ne veut pas admettre que Marie, parce que par rapport à la doctrine, il veut admettre que Marie est restée vierge. Il dit qu'il ne l'a pas connu jusqu'à ce que ça se passe. Le verset de Bible veut dire qu'après cela, ils l'ont fait. Donc, je veux seulement vous montrer une chose que le Saint-Enfant devait naître. Il fallait qu'il entre dans le coup pour réactiver, pour réarranger ce que le premier parent, Adam, a fait. Il fallait que ça se passe de la même façon pour arranger la situation. C'est exactement ça. Donc, un couple du départ, couple parfait, était uni dans le par le lien du mariage. Quelqu'un a voulu commettre l'acte infâme. Dieu, pour arranger la situation, un couple vraiment des gens fidèles. Regardez bien la femme Marie, comment elle est soumise. Regardez juste comment un homme de bien. La Bible déclare qu'il est un homme de bien. Regardez comment les deux sont unis ensemble. Dieu entre en scène pour restaurer ce qui s'est passé dès le départ. Voilà la semence de la femme, mon cher ami. Voilà la semence de la femme. Christ qui est né d'une femme. Pour briser ce que. Pour parler de quoi? Pour briser ce que la semence, Satan a fait là-bas. Il a mis sa semence. Dieu a mis sa semence de la même façon. De la même façon, souvenez-vous. Satan et Dieu, je vous ai dit qu'ils sont lumières dans des façons de faire. Alléluia. Amen. Donc, voici donc, on a montré que l'arbre de la connaissance du bien et du mauvais, c'est Satan. Et regardons bien comment il séduit Satan là-bas. Donc, si vous dites que c'est séduit Ève là-bas, si vous dites que Dieu a donné cet ordre-là à l'homme, parce que dans Genèse chapitre 2, comment il dit à l'homme que Dieu, l'éternel Dieu dit à l'homme que vous, tu mangeras tous les arbres, mais cette tête, tu ne mangeras pas. Remarquez qu'au chapitre 1, on a dit aussi que Dieu a créé l'homme et la femme. Remarquez ça, frère. Or, ce que je vais vous montrer dans la Genèse, c'est que Dieu, il y a des choses qui sont données en condensé, et par la suite, Dieu revient sur ça en détail. Et frère, c'est ça qui cause problème au niveau des gens, parce que les gens voient que quelque chose s'est passé au chapitre 3 de Genèse, et au chapitre 4, ils voient que l'homme connaît sa femme. On va revenir au chapitre 4, verset 1, parce que je sais que les personnes m'écoutent, disent que je t'attends au chapitre 4, verset 1, je connais effectivement. Donc au chapitre 3, un acte s'est passé. Mais au chapitre 4, nous allons expliquer en détail maintenant par rapport à ce qui s'est passé. Mais les choses ont été déjà dévoilées au chapitre 4, chapitre 3. Tout comme au chapitre 1 de Genèse, Dieu a créé l'homme et la femme. Mais au chapitre 2, on dit qu'il a créé l'homme pour donner les détails maintenant comment ça s'est passé, le progrès, comment ça s'est passé. Vous regardez encore bien, vous allez remarquer qu'au chapitre 1, Dieu avait créé l'arbre, les arbres fruitiers. Mais au chapitre 2, on dit qu'il y a des nefs qui poussaient de la terre parce qu'il faisait, il y avait seulement les vapeurs sur la terre. Il n'y a aucune pluie, ne tombait pas, mais Dieu les nefs fait monter de la vapeur pour la terre. Pourtant, au chapitre 1, on a dit qu'il avait créé les arbres, frères. Je voudrais que vous examiniez cela. Donc, il y a des choses que Dieu dit dans le précédent, mais après, on donne les détails. Donc, le chapitre 3 parle d'un acte. On va voir le dernier en détail au chapitre 3 et au chapitre 4, on va aller répondre aux questions et les objections que vous posez. Allons encore au chapitre 3, frère, de Genèse. Genèse chapitre 3, quel verset? Genèse chapitre 3. Donc, on a déjà lu Genèse chapitre 3. Donc, progressons dans l'explication, là, bien aimé. Donc, remarquons que Dieu ne s'est pas dit que vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où verset 5 du chapitre 3 de Genèse, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Tu as vu cela, frère? Donc, il dit que quand les hommes vont manger ça, ils vont connaître le bien et le mal. Voilà pourquoi dans le chapitre 3, verset 21, qu'on a lu tout à l'heure, Dieu a dit que l'homme s'est identifié à quelqu'un. Donc, Dieu est devenu. Donc, l'homme n'est plus neuf. L'homme n'est plus vierge comme avant. Alléluia. Amen. Maintenant, la femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir les yeux. Les gens disent, ok, voilà, on parle manger, boire, ainsi de suite. Si nous disons, alléluia. Amen. Oui, frère. Donc, tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'on a lu? Je veux dire simplement qu'on continue à la prochaine vidéo. Qu'est-ce que tu peux dire brièvement sur celle-ci? Tu as dit quelque chose? Je vais dire dans la prochaine vidéo, en expliquant dans la progression des choses, on va mettre en lumière le fait que Satan s'est infiltré et montré que l'homme s'est identifié à l'âme de la progression du bon, donc à Satan. Donc, on va voir ça dans la suite. À tout à l'heure. Attends, que ça te bénisse.